لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ Je suis pour vous un messager digne de confiance. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Craignez Allah donc et obéissez-moi. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Craignez Allah, donc, et obéissez-moi. قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ Ils dirent, « Croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui te suivent ?» قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Il dit, « Je ne sais pas ce que cela faisait. » إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ Leur compte n'incombe qu'à mon Seigneur, si seulement vous êtes conscients. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ Je ne suis pas celui qui repousse les croyants. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ Je ne suis qu'un avertisseur explicite. قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Ils dirent, si tu ne cesses pas, Noé, tu seras certainement du nombre des lapidés. قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ Il dit, ô mon Seigneur, mon peuple me traite de menteur. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Tranche donc clairement entre eux et moi et sauve-moi ainsi que ceux des croyants qui sont avec moi. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. Nous le sauvâmes donc de même que ceux qui étaient avec lui dans l'arche, pleinement chargés. ثم أغرقنا بعد الباقين. Et ensuite nous noyâmes le reste, les infidèles. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Voilà bien là un signe, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Et ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ Les Ahad traitèrent de menteurs les envoyés. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ Et quand Houd, leur frère, leur dit, « Ne craindrez-vous pas Allah ?»« Inni lakum rasoulun amin. » Je suis pour vous un messager digne de confiance. « Fattakullaha wa ati'oun. » Craignez Allah donc et obéissez-moi. « Wa ma as'alukum alayhi min adr. » إن أجري إلا على رب العالمين. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. Et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement. Et quand vous sévissez contre quelqu'un, vous le faites impitoyablement. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Craignez celui qui vous a pourvu de toutes les bonnes choses que vous connaissez. بأنعام وبنين.